Chapitre 11e. Monsieur Noël venait de souper. Il était remonté dans le réduit qui lui servait de bibliothèque. Il avait posé la lampe sur la table de travail et la tête appuyée au dossier de son fauteuil de cuir, les pieds garantis de l'humidité par la douce chaleur de vagabonde, il lisait Lucrèce, son poète favori. Un étroit cercle de clarté blanche sur les pages du livre et en haut, dans les solives du plafond, deux ou trois lueurs voltigeantes, c'était toute la lumière que la lampe sous son abat-jour dispensait chichement au vieux cabinet. Le reste du réduit demeurait plongé dans une quasi-obscurité où l'on entrevoyait vaguement les rayons ployants sous le poids des bouquins et les poutres frangées de toiles d'araignée. À travers les plaintes du vent et le ruissellement de la pluie contre les vitres, trois coups nettement frappés à la porte du logis réveillèrent Vagabonde qui jeta un aboiement sec. « Ah !» murmura M. Noël, « c'est Antoine !» Je reconnais sa façon de frapper. « Taisez-vous, vagabonde, la bien nommée. Vous devriez avoir honte de vous montrer après vos déportements. » Ayant ainsi rabroué sa chienne, il se leva et alla ouvrir. Antoine traversa rapidement la cuisine et monta avec son vieux professeur dans la bibliothèque où il enleva son pardessus mouillé, tandis que M. Noël débarrassait un escabeau encombré de livres pour l'offrir à son élève. « Un mauvais temps, mon camarade, » fit le bonhomme, qui avait déjà remarqué le visage altéré de son visiteur, mais qui ne voulait pas avoir l'air de s'en apercevoir. « La bise grondait si fort ce soir que je me suis réfugié dans mon capharnaüm. On n'y est plus chez soi que dans ce grand galetas de cuisine. »« Monsieur Noël, » interrompit Antoine, « je viens vous dire adieu. Je pars demain. »« Je le savais, mon garçon. Ton père me l'a appris tantôt. Je lui ai répondu que tu avais raison. » Et que si tu m'avais consulté, je t'aurais conseillé de t'en aller depuis longtemps. En certains cas, il y a plus de courage à fuir qu'à tenir tête au danger. Antoine boutonnait et déboutonnait nerveusement sa redingote. Il soupira profondément et resta silencieux. « Je sais bien que c'est dur, » poursuivit M. Noël. « Crois-tu que ça ne me grève pas de te voir t'éloigner si vite, toi, mon seul intérêt au monde, quand nous avons à peine eu le temps de causer ? Je m'étais fait une fête de ces 3 mois de vacances. » Mais ton avenir m'est plus cher que tout le reste. Souviens-toi de ce que je t'ai dit un soir dans le bois de la charbonnière. « Vous aviez raison, » répliqua Antoine avec un accent amer. Il s'accouda sur la table et M. Noël put examiner à loisir ses traits contractés, ses joues pâlies et ses yeux gros de larmes. La contrainte que le jeune homme s'imposait pour ne pas laisser éclater son chagrin donnait à son visage une expression encore plus poignante et le bonhomme, constatant cette douleur muette, se sentit remué d'une pitié toute paternelle. « Tu souffres, mon pauvre enfant, » dit-il en se rapprochant de lui. « Bah, ne te gêne pas, parle-moi de tes chagrins, si cela peut te soulager. » Antoine secoua la tête d'une façon négative. « Bah donc, ouvre ton cœur, tes plaintes ne tomberont pas dans l'oreille d'un indifférent. Je sais tout ce que les femmes peuvent inventer pour torturer les naïfs, qui se laissent prendre à leur mine enjôleuse. Voyons, parle !» Elle t'a donc repoussé, cette mijaurée, elle n'a pas voulu de toi. « Cela eût mieux valu !» s'écria Antoine. « Mais non, elle a préféré mentir. Les mêmes mots de tendresse qu'elle me disait, les mêmes aveux que je recevais, avaient déjà été prodigués à un autre, et ils nous trompaient tous deux. « Je les reconnais bien là, les perfides femelles !» grommela M. Noël en montrant le poing. « Cela leur semblerait trop puni de faire le mal, franchement. » Elles empoisonnent le trait avec un mensonge pour que la blessure reste plus longtemps envenimée. Et pourtant, murmura le jeune homme, si jamais figure respira la franchise et la loyauté, c'était la sienne. Jamais deux yeux plus limpides n'avaient semblé mieux refléter la sincérité d'un cœur droit. Jamais lèvres n'avaient paru exprimer avec plus de spontanéité les sentiments d'une nature aimante. Pure grimace, elles savent si bien mentir, mais au fond elles se ressemblent toutes. Sournoise et perverse. Bois, vagabonde, j'ai constamment l'œil sur elle et je connais tous ses tours, eh bien ?» Elle a profité d'un soir où j'avais le dos tourné pour courir avec les chiens de la ferme et me voilà forcé d'héberger un de ces jours une portée de roquets vicieux comme leur mère. « Toutes les mêmes, mon camarade, toutes les mêmes !» Antoine était trop absorbé par son chagrin pour prendre garde à la sortie de M. Noël. « Pourquoi m'a-t-elle laissé croire qu'elle m'aimait ? » poursuivit-il, comme s'il se fût répondu à lui-même. Quel besoin avait-elle de mentir? Il était si simple de m'avouer qu'elle avait déjà donné sa parole. Justement, c'était trop simple. Les femmes sont comme les chats, qui se plaisent aux manœuvres tortueuses et n'ont jamais droit au but. Elle ne ressemblait pas aux autres. Tenez, s'écria le jeune homme en saisissant le bras de M. Noël. « Je sens, malgré tout, que je l'aime encore, que je l'aimerai toujours. Je me demande si je ne l'ai pas jugé trop vite, si ce sort de Préfontaine ne s'est pas vanté, et si ce n'est pas lui qui a menti. « Pouh !» dit le bonhomme en sifflant entre ses dents. « Illusion d'amour propre malade !»« Si je m'étais trompé, pourtant !» répéta Antoine en lançant son vieux maître un regard anxieux qui pénétra jusqu'au cœur de M. Noël. « Tu me fais pitié !» reprit ce dernier, tellement pitié que si cette fille était innocente et s'il avait vraiment pour toi la moitié de la tendresse que tu lui gardes encore, malgré mon aversion pour le mariage, je te dirais « Retourne là-bas et épouse-la puisque tu ne peux t'en passer. » Mais je jurerais qu'elle a chanté à Préfontaine la même romance qu'elle te recoulait. Pourquoi ce garçon, qui est un sot, j'en conviens, mais qui a la réputation d'honnête homme, se serait-il abaissé à jouer une pareille comédie ? Quelle preuve as-tu contre lui qui ne puisse se retourner contre elle ? Antoine laissa retomber sa tête dans ses mains. « Vous avez raison, soupira-t-il, mais votre raison me fait froid au cœur. Je sens en moi quelque chose de mort, que rien ne ressuscitera plus. La foi dans la parole des autres. J'ai là une plaie qui sera éternellement saignante. »« Ta plaie se fermera, mon garçon, » répondit M. Noël, qui s'est élevé et lui serrait tendrement les deux mains. Antoine hocha la tête. « Tu guériras, sacrebleu !» s'écria le bonhomme. « Tu n'es pas d'une autre patte que tes semblables. Regarde-moi. J'ai cruellement souffert dans un temps, et d'une blessure plus envenimée que la tienne. J'avais, comme toi, le sang chaud, le cœur tendre et des nerfs de sensitive. J'ai oublié pourtant. C'est la loi de nature. Elle nous donne l'oubli pour assoupir nos peines, comme le sommeil pour défatiguer nos corps. Il étend petit à petit sur nos blessures ses minces toiles d'araignée. Puis un jour, le sang ne coule plus, les déchirures sont cicatrisées. On se demande, qu'est devenue ma jalousie? Où est ma colère? Où est ma rancune? Il n'y a plus rien, l'oubli a tout endormi. Il y eut un moment de silence. La pluie fouettait toujours les carreaux avec rage et le vent geignait dans l'escalier. Entre deux rafales, on entendit des coups précipités résonner à la porte de la maison. « On a frappé !» dit Antoine en prêtant l'oreille. « Bon, c'est le vent qui fait battre les volets !» Un nouveau coup plus distinct leur arriva, répercuté par les parois sonores de la cuisine, et Vagabonde, réveillée en sursaut, se mit à aboyer furieusement. « Je vous assure qu'on a heurté à la porte, » reprit le jeune homme qui s'était élevé. « Sans doute quelque camp volant qui prend ma maison pour une auberge ?» grommela M. Noël en allumant sa lanterne. « Sois tranquille, je vais l'expédier. » Il laissa Antoine en tête à tête avec Vagabonde et descendit lentement le petit escalier qui menait à la cuisine. « Qui est là ? » cria-t-il avant de tirer les verrous. Pas de réponse, ou du moins, s'il y en eut une, elle était si faible qu'elle se confondit avec la plainte du vent. Impatienté, M. Noël déverrouilla la porte, qui s'ouvrit toute grande sous la pression d'une rafale humide, et fit vaciller la lumière de la lanterne. En même temps, le vent poussa dans la cuisine une femme aux vêtements ruisselants, et le vieux professeur, soulevant son falot, reconnut Raymonde. Une idée traversa tout d'abord le cerveau du bonhomme et accrut sa mauvaise humeur. « Elle sait qu'Antoine est au chanois, » pensa-t-il. « Elle a l'audace de l'y venir relancer. »« Celui que vous cherchez n'est pas ici, » cria-t-il en repoussant la jeune fille. « Passez votre chemin. »« Je ne cherche personne que vous, monsieur Noël. C'est à vous que je veux parler. »« Qu'avez-vous à me dire ? » continua-t-il sur le même ton bourru en persistant à lui barrer la porte. « Parlez. J'écoute. » « Laisserez-vous dehors, par un temps pareil ?» répliqua Raymonde d'une voix si triste que le bonhomme sentit sa rudesse s'amollir. Il souleva de nouveau sa lanterne et considéra ce joli visage battu par le vent et la pluie. La jeune fille grelottait, sa robe mouillée lui collait au corps et ses cheveux, à peine protégés par un fichu noué en fanchon, étaient tout ébouriffés. M. Noël recula peu à peu et laissa l'importune visiteuse franchir le seuil du chanois. « Au fait, murmura-t-il, elle est trempée comme s'il sortait de la rivière. C'est en claque de froid. Entrez donc, puisque vous voilà. Surtout pas de cris, j'ai horreur de ces simagrées-là. Entrez et fermez la porte. » Pendant ce temps, on entendait Vagabonde aboyer et se démener comme une possédée. Tout en bougonnant, le vieillard avait empoigné dans un coin une bourrée de ramis et l'avait jetée sur les landiers de la cheminée. Il l'alluma et en un clin d'œil, une belle flamme vive pétilla dans l'âtre. « Voilà le feu qui claire !» poursuivit-il, sans regarder Raymonde. « Faut avoir le diable au corps pour courir les champs par ce vent déchaîné. Enfin, bien rusé qui empêchera une femme de faire des folies. » Il poussa une chaise devant le foyer. « Asseyez-vous et séchez-vous. »« Merci, » murmura-t-elle. Il haussa les épaules d'un air dépité. « Ne me remerciez pas, j'agis comme contraint et forcé. »« Cette chienne maudite ne se taira donc pas ? » ?»« Attendez-moi, je vais revenir. » Il entrebâilla la porte de l'escalier et gagna à tâtons la bibliothèque où Antoine se promenait, inquiet. « Ce n'est rien, » balbutia le vieux professeur essoufflé. « C'est la fermière qui vient pour les provisions. Ne t'impatiente pas. »« Je vais descendre avec vous, » dit le jeune homme, intrigué des façons mystérieuses de M. Noël. « À d'autres, » pensa le bonhomme aux abois. « Il ne manquerait plus qu'il se rencontrasse. »« Non, non, » s'écria-t-il. « Tu ne me déranges pas, et je vais te parler. Prends un livre, j'aurai tout fait. » Il ouvrit un placard, en tira une bouteille poudreuse qu'il cacha sous sa redingote, puis, donnant une rebuffade à Vagabonde, qui voulait le suivre, il s'esquiva, tandis qu'Antoine l'examinait d'un œil soupçonneux. Quand il rentra dans la cuisine, Raymonde, les coudes sur ses genoux, la tête dans ses mains, regardait fixement la flamme. Elle avait dénoué sa fanchon. Ses cheveux en désordre, baignés par la clarté dorée du foyer, formaient comme une auréole autour de sa tête. Ses vêtements fumaient. M. Noël prit un verre dans la huche, l'emplit à demi du vieux vin qu'il avait apporté et le tendit à la jeune fille. « Tenez, » fit-il de son même ton bourru, « buvez cela pour vous réchauffer le sang. » Elle porta le verre à ses lèvres et but une gorgée, tandis que le vieillard jetait une nouvelle bourrée dans l'âtre. « Dites-moi votre histoire, » reprit-il, « et soyez brève, je n'ai pas de temps à perdre. » Il continuait à arpenter la salle d'un pas nerveux. Un grillon, réveillé par la chaleur du brasier, poussait son petit cri derrière la platine. Raymonde, peu encouragée par l'attitude de son hôte, remuait les lèvres sans trouver une parole. « Vous imaginez qu'Antoine était au chanois ? Soyez franche » murmura-t-il avec humeur. « Non, » répondit-elle, « j'étais partie dans l'intention de lui parler, c'est vrai. Mais quand j'ai été devant sa maison et que j'ai vu de la lumière aux vitres, je n'ai plus osé entrer. Alors j'ai pensé à vous, et l'idée m'est venue d'aller frapper à votre porte. Singulière idée. Et pourquoi avez-vous pensé à moi, s'il vous plaît ? Parce que je sais qu'Antoine vous aime et vous respecte comme un père. Si je parviens à vous convaincre que je ne suis pas coupable, vous le lui redirez et il vous croira. « Savoir ? » grogna-t-il, un peu apaisé néanmoins. « Supposez-vous que je sois si facile à embobliner ? Ce n'est pas moi qu'on prend avec des comédies de sentiments et des faussetés enveloppées de câlinerie. Je ne suis pas fausse, » s'écria Raymonde. « Jamais je n'ai parlé autrement que je ne pense. Ne criez pas si haut, » répliqua rudement M. Noël, qui tremblait qu'Antoine reconnut la voix de Raymonde. « Je n'ai jamais joué la comédie, » répéta-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Pas même avec Antoine. Est-ce que c'était possible ? Je l'aimais. Et avec M. de Préfontaine ? Pas même avec M. de Préfontaine. » Elle s'arrêta. Il lui semblait avoir entendu un bruit de pas et un soupir derrière une cloison. Mais c'était sans doute une hallucination de ses oreilles où bourdonnait encore le ruissellement de la pluie et les rumeurs du vent. Dans la salle, le grillon accompagnait seul de son cri régulier le va-et-vient du bonhomme qui arpentait la cuisine. « Est-ce tout ? » demanda celui-ci en s'arrêtant tout à coup devant Raymonde. « Non, » répondit-elle avec un accent de prière, « soyez patient avec moi. Antoine m'a souvent dit que vos façons sévères cachaient un bon cœur. Montrez-vous bon pour moi et écoutez-moi sans me rudoyer. Vous avez nommé M. de Préfontaine, eh bien oui, on a voulu me marier avec lui. Ma mère désirait ce mariage et mon père pensait comme elle. » Je n'avais pas rencontré Antoine, je ne savais pas ce que c'était qu'aimer, et M. de Préfontaine m'était indifférent. Mais on prétendait que c'était le seul parti qui s'offrit pour moi, et ma mère employait toute son influence pour me pousser à ce mariage. M. Noël lança une sourde imprécation, puis, voyant que la jeune fille s'arrêtait, interdite, « Allez, allez, » murmura-t-il, « j'écoute. » Et puis, continua-t-elle, j'étais si lasse de la vie que je menais. Je ne sais si tous les intérieurs ressemblent aux nôtres. Il y a chez nous je ne sais quelle contrainte mystérieuse qui glace le cœur et empêche toute intimité. Dans ces rares moments de bonne santé, mon père me gâte et se laisse câliner. Mais il a l'air parfois si ennuyé, il semble traîner sa vie comme un boulet. Je vous dis toutes ces choses pour que vous compreniez bien ma situation. Ma mère ne m'a jamais aimé, on dirait qu'elle m'en veut d'être venue au monde, et moi-même, quand je descends au fond de mon cœur, je n'y trouve pas cette tendresse que les autres enfants ont pour leur mère. Je dois vous paraître un monstre. Non, fit-il avec un soupir de soulagement. Ainsi, vous n'étiez pas heureuse chez vous? J'étais tantôt triste, tantôt folle. Jamais je n'y étais à l'aise. Cela vous explique comment l'idée d'épouser un homme que je n'aimais pas ne m'a point effrayée tout d'abord. Monsieur Préfontaine m'a offert sa main. Je ne l'ai ni accepté ni repoussé, et ça a été mon tort. Car il a pris mon indifférence pour de la timidité, et il s'est imaginé que j'avais du goût pour lui. Il s'est absenté, et Antoine est venu à la maison. Dès le premier jour, il a eu mon cœur. Et monsieur de Préfontaine n'a plus existé pour moi. Mais pourquoi avez-vous caché à Antoine ce qui s'était passé? Pourquoi n'avez-vous pas rompu tout net avec Préfontaine? S'écria le bonhomme, dont la pétulance trahissait un intérêt croissant. Pourquoi? Ah, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais il me semble que je comprendrais si bien ce scrupule-là si on me le confiait. J'étais tellement heureuse d'aimer, tellement fière d'être aimée par Antoine, je l'estimais si haut que mon bonheur m'effrayait. À chaque instant, j'avais peur de le voir s'évanouir comme dans un rêve. Je me disais, si je parle, Antoine ne m'aimera peut-être plus, et si je le perds, adieu la joie de ma vie. Et alors, voyez-vous, j'étais lâche. J'ajournais mes confidences au lendemain, en songeant qu'après tout, c'était encore un jour heureux de gagner. J'en étais cruellement puni. Le soir même où je me promettais de tout avouer et où j'étais décidé à rompre avec monsieur de Préfontaine, il est revenu, et avant que j'aie pu rien expliquer, c'est lui qui s'est chargé de tout révéler à Antoine. Voilà comment je me suis rendue malheureuse pour toujours. Monsieur Noël, debout devant l'âtre, une main posée en abat-jour sur ses yeux, regardait Raymond avec une attention mélangée de surprise et d'attendrissement. Une magique influence avait encore une fois fait jouer la serrure rétive de la mystérieuse cachette enfermée dans son cœur. Les souvenirs de sa jeunesse lui envoyaient au cerveau leurs odeurs pénétrantes. Il songeait. J'étais ainsi, j'ai senti de même, autant ou jamais. Et toutes ses méfiances, toutes ses préventions étaient comme neutralisées par ce parfum de l'amour vrai, que rien ne détruit dans les âmes qu'il a une fois imprégnées. « Je vous ai tout dit, » reprit Raymond en se levant. « Me croyez-vous sincère? Je vous crois, » murmura-t-il d'une voix qui n'avait plus rien d'acerbe. Il lui prit les mains, et tandis qu'il les lui serrait fortement, elle sentit quelque chose de chaud et d'humide rouler sur ses doigts. Elle releva la tête, et à la clarté du brasier, elle vit scintiller les yeux mouillés de M. Noël. « Pardon, » fit-il en bredouillant, « je suis nerveux, je suis bête. »« Ah !» s'écria Raymond, « vous êtes bon, Antoine me l'avait bien dit. Pourquoi n'est-il pas là pour m'entendre comme vous ?»« Il y est, » balbutia le bonhomme. « Oui, et il vous a entendu, » répéta derrière une voix vibrante. La porte de la bibliothèque était ouverte et Antoine s'était précipité au milieu de la salle. Raymond poussa un cri et devint pâle. « M'en voulez-vous d'avoir écouté aux portes ?» dit le jeune homme en lui envoyant son regard le plus caressant. « Dès que j'ai distingué votre voix, j'ai enfermé Vagabond dans le Capharnaüm. On l'avait relégué et je me suis glissé jusqu'au bas de l'escalier. La jeune fille était si tremblante qu'elle pouvait à peine parler. « Vous me pardonnez ?» dit-elle enfin. « Vous m'aimez toujours ?»« Je vous aimais quand même. Demandez à M. Noël. Il a vu combien j'étais misérable tantôt. Et maintenant ?»« Maintenant, je suis heureux comme un roi et léger comme une plume » s'écria-t-il en sautant au cou de M. Noël. « Heureux, bien heureux » balbutia-t-il en le serrant à l'étouffer. « Lâche-moi, » grommela le bonhomme, « parce que tu es fou, ce n'est pas une raison pour asphyxier ton prochain. » Ne sachant plus comment cacher son émotion, M. Noël plongea tout à coup dans l'escalier, grimpa au Capharnaüm et alla délivrer Vagabonde qui se précipita dans la cuisine en se tortillant et en poussant de petits cris étouffés, tant et si bien qu'elle réveilla le corbeau penché sur la crédence et qu'à eux deux, ils souhaitèrent à leur façon la bienvenue aux amoureux. M. Noël, ne pouvant tenir en place, jetait sous le brasier des brassées de menu bois et cette flambée libérale donnait un air de fête à la vieille salle enfumée. La clarté courait des flancs de la huche aux épis de maïs des solives. Elle dansait au fond des assiettes, lançait des éclairs aux casseroles de cuivre, aux vitres poudreuses et enveloppait d'un nimbe radieux la jolie tête échevelée de Raymonde. Antoine, qui avait repris un peu de sang-froid, remarqua tout à coup le désordre de la toilette de la jeune fille. « Dans quel état cette pluie vous a mise ? » s'écria-t-il. « Et comment avez-vous pu quitter la maison verte à pareille heure ?» Elle tressaillit et sa figure prit une expression inquiète. Elle leur raconta sa rupture avec Haussmann, sa querelle avec sa mère et la violence qui avait précipité le dénouement. Monsieur Noël ouvrait de grands yeux et reniflait bruyamment. Antoine était redevenu pensif, son front se plissait et son regard s'était assombri. « J'irai, dit-il, trouver demain votre père et le supplier. Peut-être se laissera-t-il toucher. » Raymonde secoua la tête. « Mon père n'est pas le maître, répondit-elle, et de sa vie, il n'a eu une volonté. Il est dominé par ma mère et il lui obéira. Dieu sait ce qu'elle lui conseillera, car il vous déteste et ne m'aime guère. » Mon obstination l'a exaspérée. Elle parlait de m'enfermer dans un couvent, et il est certain qu'elle tentera tout pour m'intimider. Mais j'ai une volonté, moi, et rien ne me fera plier. Vous êtes mineur, et par conséquent, sous sa dépendance, elle peut vous cloîtrer dans un couvent jusqu'à votre majorité. Oh ! S'exclama-t-elle avec un accent de révolte, j'aimerais mieux me jeter au fond de l'eau. Raymonde ! Antoine allait et venait d'un air agité. Et quoi ? S'écria-t-il avec une rage passionnée. Ne vous aurais-je retrouvé que pour vous perdre ? Demain, ce soir peut-être, ils viendront vous arracher d'ici et nous séparer pour des années. Ils le peuvent, la loi est pour eux. Pendant cet entretien, M. Noël était resté concentré en lui-même. Il piétinait avec impatience et marquait son émotion par de formidables grimaces. Au dernier mot d'Antoine, il éclata. « La loi » murmura-t-il. « C'est à savoir, et si on en parlait ?»« Eh bien oui, sacrebleu, je parlerai. » Vous vous marierez, c'est moi qui m'en charge. Vous, monsieur Noël ? Antoine restait interdit. Raymonde regardait le bonhomme gesticuler et se demandait s'il ne devenait pas fou. Moi-même, il y a eu un temps où le silence était bon. Maintenant, il faut parler. Je te dis que tout ira bien, continua-t-il en prenant Antoine par le bras. Tu ne comprends pas, hein ? Bah, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu vas redescendre à Aubrive et t'y tenir quoi jusqu'à demain soir ? « Quant à mademoiselle ?» Il s'arrêta et regarda Raymonde d'un air embarrassé. L'idée d'héberger une femme au chanois le contrariait visiblement. « Diantre » grommela-t-il. Il ouvrit la porte d'entrée et jeta un coup d'œil sur le ciel. « Elle ne peut pourtant pas coucher à la belle étoile, » reprit-il, comme en réponse à une objection intérieure. « D'ailleurs, il faut qu'elle reste ici jusqu'à demain. » Il se retourna vers Antoine. « Vois et tourneau, à quelles extrémités me poussent tes folies? Où vais-je loger, mademoiselle ?»« Je puis dormir sur un fauteuil, » hasarda Raymond en souriant. « Allons donc !» grogna le bonhomme, d'un air incrédule. « Est-ce que vous êtes habitué à dormir sur un fauteuil ?» Il alla jusqu'à sa chambre à coucher, entrebâilla la porte, resta un moment sur le seuil, la mine perplexe. « Enfin, le vin est tiré, » murmura-t-il. Puis, revenant vers Antoine, « En descendant, tu passeras la ferme. On ne doit pas y être encore couché. Et tu diras à la fermière que j'ai besoin d'elle pour cette nuit. Maintenant, décampe !» s'écria-t-il en poussant le jeune homme dehors. « Mais, monsieur Noël, va-t'en et n'oublie pas ma commission. » Lorsqu'Antoine eut disparu, le vieillard se retourna vers Raymonde, qui restait immobile et l'examinait curieusement. « Je vous donnerai mon lit, » reprit-il d'un ton moitié grognon, moitié plaisant. « On y soit qui mal y pense. » Il fouilla au fond d'un placard, en tira des draps blancs, garnit le lit et borda les couvertures. Sur ces entrefaites, la fermière arriva tout essoufflée. Sans tenir compte de ses effarements et de ses exclamations, le bonhomme se contenta de murmurer. « Mademoiselle couchera ici cette nuit. Je compte sur vous pour lui servir de chambrière. Vous étendrez un matelas au pied du lit. Quant à moi, je dormirai dans mon fauteuil. » Une heure après, tout était rentré dans l'ordre. On n'entendait plus que la clameur du vent dans l'escalier et le cri du grillon derrière la platine. Monsieur Noël s'installa dans son fauteuil, tandis que Vagabonde, postée en face de lui, la queue en mouvement et les oreilles couchées, semblait lui poser une muette interrogation. « Eh bien, quand tu me regarderas avec des yeux ronds ?» grondit le bonhomme impatienté. « Oui, il y a une femme ici, il y en a même deux, c'est comme cela. » « Laissez-leur prendre un pied chez vous. » Ils en auront bientôt pris quatre. Suffit, dormons. Et il souffla sa lanterne.